dites-moi des choses tendres. Bienvenue dans Parlez-moi d'amour, le podcast qui nous raconte comment c'est d'aimer quand on a 30 ans. Parce que la trentaine est souvent vue comme un cap charnière, un moment où il va falloir faire des choix amoureux qui nous semblent parfois déterminants pour les années suivantes. En discutant autour de moi, j'ai remarqué qu'aimer quand on a la trentaine soulève beaucoup de questions. Est-ce que cette personne est la bonne ? Est-ce que c'est avec lui ou avec elle que je vais avoir des enfants ? Et puis, en fait, est-ce que je vais avoir des enfants ? Est-ce que c'est grave d'être célibataire à 30 ans ? Et si je restais tout seul toute ma vie ? Et puis, est-ce qu'il y a enfin un âge où on arrête de se poser toutes ces questions ? Pour dédramatiser ce grand cap des 30 ans, j'ai discuté avec des trentenaires de leur vie amoureuse et des questions qu'ils se posaient, parfois sans oser les formuler. Je suis Colline et vous écoutez Parlez-moi d'amour. Là, j'ai paniqué. Il y a eu un moment où vraiment je me suis dit ça va être différent. Je suis tête en l'air, je connais pas mes tables de multiplication, je suis un cas. C'était un package quoi, genre c'était lui et ses enfants où il n'y a pas. Non, franchement, j'ai peur. Ça fait super bizarre d'être enceinte. Dans les mauvais jours, je me dis ça, il me dit mais Claire, t'es folle. Je ne sais pas, c'est les trois mots que je dis le plus souvent dans ma vie. L'amour, oh là là. Dans cet épisode, j'ai discuté avec Claire. Claire a 30 ans et elle est en couple avec Nico depuis 5 ans. Quand ils se sont rencontrés, Nico avait déjà deux enfants. Elle m'a raconté comment c'est de devenir belle-mère à 25 ans, les inquiétudes et les compromis que cela suscite, mais aussi comment elle a appris à ne plus toujours chercher le bonheur à l'extérieur et à enfin savoir apprécier ce qu'elle a. Avec Claire, nous avons aussi parlé sans tabou des peurs liées à la grossesse, puisque Claire est enceinte pour la première fois, et ça fait du bien de parler ouvertement de ces craintes dont on n'entend pas assez souvent parler. J'ai beaucoup apprécié cette conversation, et j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des petites étoiles, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Claire ! Salut Colline ! Alors, c'est comment pour toi l'amour à 30 ans ? C'est assez zen. C'est moins prise de tête que ce que je pensais de l'amour avant. Pourquoi ? Parce qu'on... Enfin, moi, ça fait 5 ans que je suis avec la même personne, donc disons que je sais un peu les moments où on risque de se prendre la tête, les moments où ça va aller, et j'ai un peu... Voilà, j'ai un peu moins de surprises, même dans les disputes, je sais comment ça va se finir, comment ça va se passer, et donc... voilà, je suis moins dans des gros up and down, où on se demande, mais qu'est-ce que ça va être ensuite ? Voilà, on remet tout en question, quoi. Et ça te rassure, du coup, d'avoir une routine, un peu ? Ouais, je trouve ça rassurant, ça me laisse du temps de cerveau ou de stress d'ailleurs pour stresser sur d'autres sujets, donc ça me va. Du coup, pour revenir un peu sur ton histoire, t'as rencontré ton copain Nico à 25 ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu peux nous dire un peu comment tu l'as rencontré, où ça, dans quelles circonstances ? Donc je l'ai rencontré sur mon lieu de travail, comme pas mal de Français. J'espère que mes parents ne vont pas écouter ce podcast. Enfin, je voyais des gens. Je ne pensais pas du tout que c'était possible d'être en couple dans une relation exclusive longue. Enfin, ça me paraissait un peu irréaliste. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais 25 ans, mais voilà, j'avais vraiment... Je disais, non, mais le couple, ça n'existe pas, tout ça. C'est social. Enfin, voilà, donc je fréquentais des gens, mais c'était un peu n'importe quoi. Et bah Nico était marié et bon, ça n'allait pas du tout avec sa femme, mais il était encore marié à ce moment-là. Et voilà, et donc on a un petit peu commencé à flirter, mais vraiment de loin au travail. Voilà, on s'écrivait de temps en temps on essayait de s'arranger pour aller prendre notre café en même temps. Mais voilà, c'était quand même en tout bien tout honneur, parce que malgré tout, on essayait de faire les choses bien. Et puis, jusqu'à mon pot de départ, parce que donc à un moment, j'ai décidé de quitter l'entreprise, mais ça n'avait pas de rapport. Je suis restée à peu près un an, donc ça a peut-être duré, je ne sais pas, deux mois où on a un peu flirté comme ça. Et pour mon pot de départ, je ne sais pas comment, invité chez moi, ou il s'est invité chez moi. Enfin, en tout cas, on s'est dit, bah voilà, au moins, il n'y a plus le travail. Mais bon, il y avait toujours sa femme, hein, donc c'était, voilà. Et en fait, là, bah, du coup, je révélais un peu tout d'un coup, mais comme ça, c'est fait. Il est rentré chez lui. Sa femme l'attendait parce que elle avait un peu flairé le truc, quoi. Et il lui a tout balancé et ils se sont séparés là. voilà. Donc en fait, voilà, direct, quoi. Il lui a dit, ben, tu dors sur le canapé et c'est fini, quoi. Mais bon, ça faisait un moment que ça n'allait pas. Hein. C'était un peu l'événement déclencheur. Et toi, à ce moment-là, tu t'es sentie comment ? Non, mais là, je savais pas encore. Je suis chez moi, tranquille. Et c'est genre le lendemain, un truc comme ça, qu'il m'appelle et voilà, il m'explique. Il me dit donc c'est fini. Fini, quoi, avec ma femme. Donc je sais pas, si tu veux on peut se voir, ou si tu veux on se voit pas, enfin voilà. Là j'ai paniqué. J'ai vraiment paniqué, quoi. Non mais je lui ai dit, mais t'es un grand malade. Parce que maintenant, avec le recul, tout le monde nous connaît ensemble, etc. Mais je lui ai dit, mais ouais, je papillonne. Je suis pas en vrille, quoi. Genre, t'es en train de mettre... je sais plus exactement combien de temps ils sont restés ensemble. 17 ans, je crois. Oui, parce que lui, il est un peu plus vieux que toi, c'est ça? Ouais, il a 34 ans. J'en ai 30. Mais ils se sont rencontrés très jeunes avec sa femme. Et donc voilà. Après, moi, je partais en vacances. Je lui ai dit, écoute, je sais pas... Essaye de recoller les morceaux, c'est stupide, on quitte pas sa femme parce qu'on embrasse une fille, c'est n'importe quoi. Et je suis partie en vacances, et quand je suis revenue, on s'est revus, et il m'a dit, non mais il n'y a pas de news, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que c'est fini quoi. Après, soit je ne l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait parce que ça n'allait pas, enfin, ça, c'est ce qu'il m'a dit, un peu pour me rassurer, mais voilà, c'est fini, donc si tu veux on peut se voir, et voilà quoi. Et voilà, et on a commencé à se voir comme ça. Et donc, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'avec sa femme, ils ont deux enfants. Et qui avait quel âge ? Alors là, le plus grand a 8 ans, donc il avait 4 ans. Et la petite a presque 6 ans, donc elle avait 2 ans, un peu moins de 2 ans. Donc elle était toute petite. Je les ai pas rencontrés tout de suite, évidemment. Enfin, évidemment, parce qu'ils voulaient quand même les protéger de leur faire rencontrer n'importe qui. Parce que toi, du coup, quand vous avez commencé à vous voir, tu t'es tout de suite dit qu'avec lui, ce serait différent, ou ça a mis un peu de temps quand même ? Au début, ça a mis un peu de temps, mais alors j'ai du mal à retrouver la notion exacte du temps. Assez vite, il y a eu quelque chose quand même, et je dirais, il y avait peut-être eu un mois où je voyais encore un peu d'autres personnes, et ouais. Je faisais, pas exprès, mais je voulais vraiment lui dire, non mais, t'emballes pas. et je crois que c'est à... Je sais pas, c'était à une soirée à moi, je sais plus pourquoi c'était une soirée, si c'était un anniversaire ou autre. Mais bon, j'en remets une couche, mais j'avais trop bu. j'ai été malade à ma propre soirée, et genre, je n'ai pas pu sortir. On avait prévu de boire des verres chez moi et de sortir. En fait, au moment de sortir, j'étais super malade. Et du coup, Nico est resté avec moi. Et c'était vrai, j'étais vraiment pas glamour. Voilà, j'ai pas envie de raconter, mais ça n'allait pas du tout. J'étais malade, je pleurais, je racontais n'importe quoi, comme quand on est malade et un peu triste pour aucune raison. Mais je suis une merde. Enfin, bon, voilà. Et du coup, je sais pas, il faudra peut-être couper ça, mais enfin, c'était ça l'esprit. Et il est vraiment resté avec moi, alors qu'on se connaissait pas si bien que ça, quoi. Et que, lui, pour moi, c'était un mec, entre guillemets, qui a. Enfin, je sais pas, qui a réussi sa vie dans le sens qui est carré, qui est posé, qui aurait pour moi pu me juger dans le sens où moi je me sentais hyper ado à ce stade, genre en train de me pleurer dessus avec mon mascara partout. Et donc voilà, et en fait il était pas du tout dans le jugement, il était super mignon, il s'est super occupé de moi, et j'ai trouvé ça trop chou. Et en fait ça a un peu marqué déjà un changement où j'avais été tellement minable que si il n'y avait plus de... Quand tu commences la relation comme ça, tu te dis, je pense que je peux difficilement être pire. Il a l'air de m'aimer comme ça, donc ça m'a un peu fait quelque chose. Puis après, bon, je ne sais plus exactement les durées. Je ne sais pas, on va dire peut-être qu'il s'est encore passé un mois. Il y a eu un moment où vraiment je me suis dit, ça va être différent. Enfin, entre-temps, en fait, j'ai vu de moins en moins de gens parce que j'avais envie de voir lui. Et ouais. Ça commençait à trop avoir de sens pour moi de voir d'autres personnes. Et on était chez moi, et je sais pas comment ça s'est passé, mais je sais pas, il m'a vraiment dit, j'ai envie d'être avec toi, quoi, pour de vrai. je pense qu'on a un avenir ensemble, quoi. Et ça m'a fait vraiment super bizarre, et je sais pas comment expliquer, mais ça m'a fait un déclic, je me suis dit, vas-y, chiche, on tente. Genre, on voit si on peut être partenaire de vie, quoi. Genre, dans la durée, de se dire, on fait une team. J'ai senti un esprit d'équipe, on s'est dit, on va faire une team pour la vie, et il y aura sûrement un milliard de choses qui vont nous arriver pas agréables, ou j'en sais rien, des hauts et des bas, mais on va voir si on peut, à deux, les résoudre. Mais ça m'a fait super plaisir, ça m'a excité un peu comme, genre, un, tu sais, un jeu dont vous êtes le héros, genre ouais. Toi t'as une torche, moi j'ai une corde, vas-y, on on fait une team et on voit si on peut survivre, quoi. Et j'ai senti ce truc là où genre elle m'a dit bah vas-y, moi genre je suis sympa, je suis marrant, je suis organisée, toi t'es fofolle et machine, et vas-y, on se met ensemble et on fait une vie. Il avait super confiance. Et moi, je lui ai dit, non, mais tu me connais pas, je suis pas organisée, je suis tête en l'air, je connais pas mes tables de multiplication. Non, mais, bah, genre que des trucs, genre, j'ai dit les trucs, genre, regarde, j'ai ça, non, mais, enfin, genre, j'étais là, je vais déballer mon sac de complexes, genre de tout, mes complexes, quoi. J'ai dit, non, mais parfois, j'oublie des trucs, genre, j'ai dit, non, mais genre, je suis un cas, tu vas détester, genre, ça va pas du tout aller. Tu perds au change, garde ta lampe de poche. Et il m'a dit non, moi je veux tout ça, c'est, tout ce que tu m'as dit, j'ai envie d'en savoir plus. Et voilà, et genre là, je me rappellerai vraiment de cette conversation toujours, parce que j'ai eu l'impression de poser un sac de 10 kilos et de me dire, je sais pas, peut-être que oui, quelqu'un peut m'aimer comme ça. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça fait genre hyper triste, mais ouais, de me dire c'est... Enfin, c'est une super vision de l'amour et c'est ouf. Et ouais, j'ai envie de voir où ça peut aller. Du coup, tu as mentionné le fait qu'il avait deux enfants assez jeunes. À quel moment il les a présentés et toi, comment tu as vécu cette situation? Ouais, donc au début, il les avait à peu près un week-end sur deux, mais même pas, un peu moins, puisqu'il n'était pas encore bien installé et tout ça. Enfin, au début, non, même, il les avait encore moins que ça, parce qu'au tout début, il habitait chez moi. Bah, c'est sûr qu'on s'attend... Enfin, je m'attendais pas à ça pour moi. Et si on me l'avait dit, j'aurais dit, ah non, mais quelle horreur. Tu ne veux pas ça dans ta vie. Mais oui, c'est horrible. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que les trucs mais commencent de manière tous horribles et puis, en fait, tout va bien. Et c'est ça qui est drôle, je trouve. Bref. Et donc, non, mais en fait, j'ai trouvé ça... Enfin, assez facile... Sur la globalité, après, il y a des moments... Après, ce qui est compliqué, et c'est ce que tu me disais, c'est que j'ai du mal à me remettre dans la situation du début, parce que maintenant, c'est tellement ancré. Genre, je les aime, tu vois, je les vois une semaine sur deux, etc. Mais globalement, ça n'a quand même pas été trop dur, je pense, parce que déjà, la petite, elle était vraiment petite, donc elle ne comprenait pas tout. Donc, c'était juste mignon. Enfin, moi, j'aime bien les enfants, donc on te donne un petit enfant qui n'a pas 2 ans, c'est chou. Le garçon, il était assez mignon aussi, même s'il captait un peu plus ce qui se passait. Bah, en fait, bon, ce que j'ai trouvé simple, peut-être par rapport à d'autres personnes à qui ça arrive, c'est que je me suis pas dit j'ai envie d'être leur mère ou de jouer le rôle de mère ou faut absolument que je trouve ma place là-dedans. J'ai un peu pris quand même les choses comme ça venait et voilà, je me suis pas dit faut absolument qu'ils m'aiment ou ouais. C'est ça qui aurait pu être dur et c'est ça qui est un peu plus dur maintenant justement que je les aime ou... Ça a plus un peu me toucher quand ils me font sentir que je suis pas leur mère, tu vois. Même si je le sais, hein. Mais c'est-à-dire que c'est plus dur maintenant, je trouve, qu'au tout début où t'es un peu... Bah justement, en fait, c'est un peu comme tout. Je prenais un peu tout à la légère. Donc même les enfants, bon bah... Je les vois, c'est cool, mais c'est pas... Oui, du coup, c'est venu quand même progressivement parce que lui, au final, les a eus de plus en plus souvent de façon progressive. Ouais, parce qu'après, il a pris son appart. Du coup, il a pu les avoir une semaine sur deux. À ce moment-là, on a habité... Il a pris un appart à côté de moi. Mais on n'habitait pas encore ensemble. Je passais, quoi. Enfin, j'étais pas... On n'avait pas vraiment une vraie relation, tu vois. J'essayais d'être sympa quand j'étais là, mais c'était pas... Je me sentais pas du tout responsable de ça, d'une manière ou d'une autre, quoi. Et du coup, quand vous avez emménagé ensemble et qu'il y a eu la question du fait qu'ils allaient plus être chez lui, mais chez vous, comment t'as réagi? Est-ce que t'as paniqué un peu ou... Ouais, j'ai paniqué. Mais en fait... Je savais que Nico serait pas bien. Enfin, je le savais, et puis il me l'avait dit, et puis ça commençait à se faire sentir. En fait, Nico, il était pas bien parce qu'il avait pas ses enfants. Il trouvait que l'appart où il les recevait, c'était pas assez... Enfin, il avait pris un truc assez petit, il y avait pas de chambre pour eux, donc il leur laissait sa chambre quand ils venaient. Mais il était pas satisfait du tout, il les voyait pas assez, donc il suivait rien. Enfin, ça va vite de pas suivre ses enfants, en fait. Au bout d'un moment, tu sais même pas s'ils ont des devoirs, pas de devoirs... T'es à l'ouest, quoi. Tu comprends pas s'ils ont sport, qui sont leurs amis. Enfin, c'est... Les enfants, ils ont pas une vie folle, donc c'est que des petits détails qui font que tu les connais, quoi. Et donc là, on suivait rien. Moi, encore pire, mais lui, ça lui manquait vachement. Et ça jouait beaucoup sur, sur son moral. Il était pas content de tout ça. Et même quand il les voyait, il trouvait que ça se passait pas assez bien parce que c'était trop peu fréquent, quoi. Et donc, je savais que c'était soit on avançait dans la direction où on les avait carrément plus et ils les voyaient plus, ou ça servait à rien de rester ensemble parce que ça... Je n'aurais pas demandé de choisir, tu vois, entre moi et ses enfants, quoi. Ouais. Donc, c'était un package, quoi. Genre, c'était ouais. Lui et ses enfants ou il n'y a ouais. pas. Et à ce moment-là, j'avais envie qu'il y ait. Donc, pareil, je me suis dit, bah, vas-y, on verra bien. C'est... Ouais, enfin, pourtant, je déteste prendre des décisions, mais avec lui, j'étais obligée, en fait, ouais. À certains moments, de juste faire un pas en avant ou arrêter complètement, quoi. C'est vrai qu'on a pas mal avancé comme ça, d'ailleurs. Donc, bon, bah, là, ça doit faire ouais, un an à peu près qu'on les a vraiment une semaine sur deux. Et donc là, c'est déjà plus comme une vraie famille, dans le sens où la semaine où tu les as, bah, t'as les devoirs, faut que le sac de danse soit prêt, le sac de piscine soit prêt, etc. Après, c'est quand même beaucoup Nico qui gère, parce que c'est un bon papa, et que ça reste ses enfants. Mais je sens plus la nécessité d'intervenir quand même, parce que parfois, il y a juste mille trucs à faire, et je peux juste lui dire « tes enfants !» Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quand vous êtes connus, tu me disais que toi, tu te projetais pas du tout dans le fait d'avoir des enfants. Est-ce que tu as eu l'impression de renoncer à certaines choses que tu avais imaginées dans ton plan de vie idéal en te mettant avec lui? Ou est-ce que tu t'es accommodée finalement sans trop de difficultés à cette nouvelle vie? Si, si, ouais, il y a eu des moments. Enfin, il y en a toujours en fait, parce que. Donc, par exemple, quand on a déménagé pour être assez proche de leur mère. Bon, après, Nico aimait bien aussi ce quartier-là, voilà, de région parisienne. Et moi, je ne me voyais pas du tout quitter Paris à l'origine. Donc déjà, ça a été super dur. Mais c'est pareil, en fait, ça faisait partie des trucs où je sentais... Parce qu'au début, on était dans le 19e. Et c'était pas pratique du tout pour amener les enfants. Et... Enfin, c'était compliqué, quoi. Dès qu'ils oubliaient un truc, c'était compliqué. Tout était galère. Et donc là, on est juste à côté. Donc c'est très pratique. Et ça, c'était un peu un renoncement, déjà. Et après, oui, c'était... Enfin, c'est toujours... Il y a des moments où je me dis, ben, nous, on pourra jamais partir s'installer à l'étranger parce qu'il y a les enfants. Et sinon, ça voudrait dire partir avec, genre, sa femme. Enfin, c'est pas possible. Donc, ça m'arrive, oui, d'avoir des pincements au cœur quand j'entends les gens. Ben, en plus, tout le monde part en ce moment, donc c'est régulièrement que ça me fait ça. Les gens disent, ah, on va à Bordeaux, en Espagne, en Italie, machin, s'installer un an au Canada... Et voilà, moi je me dis, bah moi non. Mais je sais pas, il n'y a pas de solution. J'ai pris cette voie-là. Et Mais tu sens que maintenant tu es plus apaisée face à ce choix ou tu sens encore que, même récemment, il y a quand même des moments où ça t'a vraiment questionnée? Ouais, il y a des moments où ça m'a questionnée. Maintenant, ça ne me questionne plus. Mais après, ce que je me dis aussi, c'est que peu importe dans quel pays je vis ou je vivrai ou j'aurais pu vivre, je me serais certainement tout le temps posé des questions et tout le temps posé les mêmes questions et ça aurait pas résolu tous les problèmes qu'on a l'impression que ça résout quand on n'est pas parti, quoi. On se dit, ah ouais, mais à l'étranger, ça aurait été différent, ou je sais pas, je me serais sentie mieux ou plus épanouie, ou j'aurais eu un job différent. Enfin, oui, il y aurait eu plein de trucs différents, mais... Je pense que, enfin, au final, l'impact de l'endroit où on vit a moins d'importance sur notre bonheur que ce dont on a l'impression quand on peut pas le faire, par exemple. Oui, qu'on voit souvent ce qu'on aurait pu avoir et pas ce qu'on a. Oui, et puis je sais pas, tu te dis par exemple, ouais, mais là, je suis pas épanouie dans mon travail et tu peux très bien être à l'étranger et pas réussir à t'épanouir dans ton travail, parce que peut-être que entre guillemets, le problème vient aussi de toi et pas forcément de ton travail. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression qu'au final, ce qui nous arrive vient tellement de nous. Que si nous on se déplace et qu'on règle pas les trucs, en fait on recrée un peu les mêmes choses ailleurs. Bon, je dis peut-être ça pour me rassurer, mais de toute façon j'ai pas trop le choix, donc en tout cas c'est ma vision. Mais du coup t'as eu l'impression quand même qu'en te mettant avec lui t'as su développer une certaine capacité d'adaptation? Enfin, est-ce que le fait qu'aujourd'hui que t'as la trentaine aussi, t'es plus capable de faire des compromis, ou en tout cas tu le vis mieux que quand t'avais 25 ans? Bah, de toute façon, le couple, c'est les compromis. Hein. Enfin, c'est pas que moi et les enfants et la trentaine. C'est genre... tout est un compromis. Genre le film qu'on va voir, là où on part en vacances. Mais oui, enfin, en plus, avec les enfants, tu fais encore plus de compromis. Ça m'a appris à faire des compromis. Je pense que j'ai réussi à vivre tout ça parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui arrive à faire des compromis pas mal. Et je suis assez facile à vivre et qu'il y a plein de situations où je me dis « pourquoi pas ouais. ?» Mais ça m'a forcé à faire des compromis, ça oui. Mais il y a des moments où je me dis, ça m'a aussi tellement apporté. Enfin, en plus, bon, quand même, il faut savoir qu'au début, là, c'est un tout petit peu moins vrai encore. Je m'interdisais pas grand chose, par exemple, même s'il y avait les enfants un week-end, je pouvais partir. Enfin, je pars en week-end, ça m'arrive encore avec mes copines. Justement, je me suis dit, bah non, j'ai pas décidé d'avoir des enfants à 25 ans, donc maintenant je vais pas non plus en subir les conséquences en mode je peux pas partir en vacances. Si j'ai une soirée, j'ai une soirée, et si le lendemain je suis crevée, je peux pas m'en occuper, c'est pas non plus mes enfants. C'est peut-être pour ça que ça marchait aussi, parce que tu te mettais pas dans le rôle de mère. Voilà, je me dis pas, bah qu'est-ce qu'ils vont manger, faut que je fasse. Non! Je dis non, moi j'ai pas décidé d'avoir des enfants aussitôt. Pour le coup, j'étais vraiment pas prête et j'ai pas essayé. Ça m'empêche pas de donner un coup de main, mais ça a rien à voir en fait de donner un coup de main et avoir la responsabilité, la charge mentale d'un enfant. Et ça, Nico, il l'a bien compris. Vous en avez parlé un peu quand vous avez emménagé ensemble. Ouais, bah parfois il a essayé un peu de m'en demander plus. Pas. Ça dépend des fois. Hein. Je veux pas être injuste avec lui. Il y a des fois oui, et il a essayé de m'en demander plus entre guillemets. Enfin oui, mais il dit, oh, tu vas partir en week-end alors qu'il y a les enfants. Je dis bah oui, c'est comme ça, c'est bien pour moi, c'est ce dont j'ai envie pour être bien aussi avec toi. Et il y a des fois où il me disait juste, mais c'est dingue que tu acceptes autant mes enfants, que tu voilà, que t'acceptes de faire des sorties avec nous, que tu sois motrice aussi, parce que ça peut m'arriver de dire, ah bah tiens, viens, on emmène les enfants ici ou là, etc. Après, j'ai l'impression que ça a bien marché aussi parce que vous dialoguez beaucoup. Ah ouais, on parle trop. On a développé un terme qu'on appelle notre petite intelligence de couple. Vas-y, raconte-moi ça, c'est quoi le concept ? Mais non, mais le concept, c'est juste qu'on arrive à se sortir des situations compliquées entre nous. Non, mais c'est horrible, c'est un truc de couple. Non, mais c'est juste de se dire, on arrive à se dire les choses et à peu près faire le tri entre ce qui est important et ce qui finalement est stupide, et on laisse tomber les trucs stupides. Et non, mais on arrive pas mal à dialoguer, et puis à s'excuser aussi, ça compte vachement, parce que parfois on dispute pour rien, et ça pourrait durer longtemps, mais il y en a toujours un qui dit « bon allez, je prends sur moi », et qui s'excuse, même si c'est pas forcément lui qui a... Enfin, c'est ce genre de truc, c'est ouais, se dire les choses, s'excuser, et laisser tomber les trucs pas importants. Enfin, on est quand même d'accord sur plein de trucs et on a envie de vivre une vie ensemble, mais ça veut pas forcément dire que tout va être... Je sais pas, on a pas forcément dit qu'on allait aller voir des gens à l'extérieur, j'en sais rien, mais le fait de pas se dire non plus que forcément il y aura jamais rien et qu'on s'aimera toujours autant de la même manière et que ce sera toujours entre guillemets passionnel et fusionnel entre nous, ben, ça enlève un gros poids et on se dit juste, ben non, peut-être que on aime juste vachement être ensemble et qu'il va aussi nous arriver des choses à l'extérieur, on n'en sait rien, mais que nous, ça sera toujours le centre de notre vie, tu vois. Et donc ça, c'est assez cool. Et du coup, bon, maintenant, on peut en parler. Là, tu es enceinte depuis pas très longtemps. 2 mois et demi, quand même. Oui, donc quand même, c'est quand même assez récent. Non. Tu le vis comment ? C'était plus ou moins planifié ? C'est un truc qui te fait peur ? Non, franchement, j'ai peur. Mais c'est bien de le dire, parce que franchement, c'est tellement tabou que c'est pas évident d'assumer ses peurs, je trouve, quand on est enceinte pour la première fois. Non, mais j'ai peur de plein de trucs, genre des trucs, les plus concrets, comme on en a parlé, genre oublier ses enfants dans la voiture. Mais jusqu'au truc plus, entre guillemets, plus quotidien, genre juste de se dire, mais est-ce que je vais réussir à... Je sais pas, anticiper qu'il faut faire les courses pour qu'ils aient à manger des vraies choses, pas des chips. Non, mais tous les trucs auxquels tu dois penser, c'est un truc de dingue, les courses de la rentrée scolaire, les couvertures. Ah oui, t'es partie loin. Mais non, mais ouais. Non, mais. Enfin, bon, au début, genre le maintenir en vie, mais ça, je me dis, il y a quand même pas mal de gens qui arrivent. Mais après, genre en faire des personnes épanouies, pas dérangée psychologiquement, à qui j'aurais pas transmis 1 milliard de névroses, enfin je vais sûrement leur en transmettre, mais genre pas trop j'espère, et j'ai peur aussi pour mon couple. Pourquoi ? Parce que c'est horrible le enfant dans le couple. Oui, mais vous avez déjà eu entre guillemets un petit galop d'essai quoi. Il n'est pas si petit, enfin Roxane elle faisait quand même ses nuits, et ne pas faire ses nuits, c'est un truc quand on me raconte, parce que moi j'aime bien dormir. Quand j'ai pas assez dormi, et Nico c'est 100 fois pire, s'il a pas assez dormi, il n'y a pas d'intelligence de couple, nous sommes des animaux, et j'ai vraiment peur de cette période, genre je me dis, faut qu'on qu'on passe à travers, genre qu'on survive, genre juste qu'on se sépare pas. Non, mais c'est vrai, parce que pendant plusieurs mois, à pas dormir, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, après j'ai peur de l'aspect libido de la chose, parce que bah, rien que là, en fait, moi, ça fait super bizarre d'être enceinte. Genre, je sais pas, ça m'a un peu chamboulée. C'est marrant, parce que des fois, on dit que c'est l'inverse. Ouais, j'espère, en fait, là, j'essaie de faire tenir Nico en mode, non mais après, la deuxième période, tu as des hormones en folie. Je vais allumer un cierge pour que ça revienne. Mais parce que c'était, voilà, aussi un ciment de notre couple. Et là, il n'y a plus de ciment. Et non, ben, oui, nous ne sommes pas un couple platonique du tout, normalement. Et je sais que, enfin, c'est, oui, c'est un truc qui me stresse. Genre que ça, soit que ça ne revienne pas, ou je pense que ça reviendra un moment, mais ou qu'avec l'enfant, tu n'es plus envie. Parce qu'il y a aussi l'aspect fatigue. Enfin, moi, au début de ma grossesse, là, j'étais super fatiguée. Bon, là, ça va mieux. Et puis Nico est passé par là et il m'a dit que ça avait quand même mis un bon coup à leur couple. Non, parce que du coup, ce que tu m'avais dit aussi, c'est que lui, au début, il en voulait pas d'autres, et du coup, vous êtes séparés. On s'est vraiment séparés. Enfin, pas longtemps, mais... Combien de temps vous êtes séparés? Peut-être 4 mois. Le temps que je trouve un appart, que je le meuble entièrement. Que je vende mes autres affaires. Et que je réaménage chez lui. Mais on s'est séparés, pareil, de manière super intelligente. Enfin, juste... Je lui ai dit, ben, moi, je veux un enfant. Il m'a dit, ben non, moi, c'est bon, c'est fait. Je ne me vois pas avec 3 enfants, etc. Bon, après, ce qu'il m'a dit après, c'est que ça correspondait au fait qu'il n'était pas aussi satisfait de comment ça se passait avec ses enfants, qu'il ne les voyait pas assez, etc. Donc, il avait l'impression que c'était n'importe quoi d'en faire un troisième, alors que déjà, il ne s'en sortait pas. Et donc, voilà, il est revenu en me disant, ben, écoute, je t'aime trop. Et voilà, je me suis fixé des limites qui n'existent pas vraiment. Enfin, il y a plein de gens qui ont 3 enfants, ça se fait. Et donc voilà, on s'est remis ensemble en se disant qu'il y aurait un enfant. Ouais. Mais maintenant, faut... faut assumer. Faut Du coup, ça a résolu certains sujets, mais ça soulève de nouvelles questions. Ça me pose plein de questions. Bah oui, tu te demandes moins... bah, c'est ce que tu me demandais, genre... est-ce que j'ai envie de partir à l'étranger suffisamment pour le quitter? Bon, bah là, non. Mais faut pas croire que... Il y a des gens qui font des bébés pour que leur couple aille mieux. Je pense vraiment pas du tout que ça aide un couple, un enfant. La semaine où on a les enfants, on aime bien, mais c'est une semaine compliquée. Où genre, on ne se parle pas quasiment. Parce qu'ils parlent tout le temps, les enfants. Donc t'as beaucoup de mal à te parler entre adultes. Vraiment, à te parler, juste à échanger quelques phrases sur genre... ta journée, voir comment tu te sens, laisse tomber, ça, tu ne peux pas avoir ce genre de conversation. Tout est vraiment très matériel, genre, t'as fait les courses, oui, ils ont mangé, oui. Tu essaies juste de faire en sorte que la soirée avance pour que les choses soient prêtes et que tu puisses aller te coucher. J'exagère parce qu'à un moment, ils se couchent et t'as un peu de temps, mais bon, je pense qu'avec un bébé, ça va être pire, enfin, je suis sûre. Donc non, ça me pose plein de questions, ça me fait super peur. Et il y a des moments, je me dis, mais j'ai foutu ma vie en l'air. Dans les mauvais jours, je me dis ça, je me dis, mais Claire, t'es folle. Surtout que, comme je disais, autour de moi, personne n'a de bébé. Et donc parfois, j'ai l'impression d'être comme dans les séries, là, les teenage moms. Enfin, genre, mais pourquoi tu fais un enfant si tôt? Bon, j'ai genre 30 ans, enfin ça va. Mais comme personne n'en a... Parfois, on me regarde vraiment comme un ovni, et je sais qu'au travail, enfin, les gens n'ont pas de bébé, donc ça va les choquer. Enfin, la fois, ça me fait rire, parce que je me dis quand même, enfin, 30 ans, ça va, j'ai pas l'impression que ça soit complètement fou d'avoir fait un enfant à 30 ans, mais vraiment, il y a des moments où je me dis, mais t'es complètement folle, ma pauvre, t'aurais pu attendre d'avoir, je sais pas, 34 ans, 35 ans, entre guillemets, comme tout le monde, et d'avoir vraiment vécu ta vie. Mais c'est pareil, en même temps, c'est... C'est ce que tu disais, c'est que finalement, on n'est jamais vraiment sûr d'être prêt. Pas du tout. Et quand je regarde le peu qui se passe dans ma vie en un an, je me dis... Enfin, tu vois, entre mes 29 ans et mes 30 ans, la somme des choses que j'ai accomplies est tellement faible que je me dis, bah, ça, dans 5 ans, en fait, ça n'aura rien changé, quoi. Enfin, je me dis pas, il me faut encore 1 ou 2 ans pour vraiment boucler ce truc-là. Enfin, non. Je suis un peu dans des routines de toute manière, donc... Non, mais en vrai, c'est courageux, parce que je sais que, par exemple, moi, ça me fait peur, donc je me dis que je suis pas prête, mais potentiellement, à ce rythme-là, je serai jamais prête, quoi. Donc c'est bien d'arriver à se dire, allez, go. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est inconscient? Je ne sais pas. Non, mais vraiment, je ne sais pas, en fait. Après, non, mais vraiment, au fond de moi, je pense que je n'aurais jamais été prête. Je ne sais pas, c'est les trois mots, quatre mots, que je dis le plus souvent dans ma vie. Tu veux faire quoi? Je ne sais pas. Mais t'es contente? Je ne sais pas. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de raison que ça change. Je vois pas de... Enfin, c'est vraiment ce que m'a demandé Nico, genre. Qu'est-ce qu'il te faudrait concrètement, là, pour dire, bah ça y est, je suis prête, quoi. Et en fait, rien de concret. Enfin, d'un côté, par exemple, je vais même pas voir de psy. Enfin, au moment où je me suis dit ça, c'est que je me dis, j'ai vraiment pas d'espoir de changer par rapport à... à ce je ne sais pas, quoi. C'est... Non, mais c'est vrai. On pourrait, si je me disais, à un moment, je vais être quelqu'un qui sait, etc., ça voudrait dire que je suis dans une démarche de quelque chose. Mais là, je suis même pas dans une démarche. Je suis juste dans une une continuité de moi-même. Donc, il va pas y avoir de changement, quoi. Mais c'est quand même bien qu'il t'ait posé cette question, parce que si ça se trouve, tu t'aurais jamais dit que potentiellement, tu pouvais être prête, quoi. Ouais, carrément. Il me connaît bien. Non, mais voilà, après, je me suis dit, bah oui, parce que lui, il voulait aussi que les enfants soient pas trop éloignés en âge, même s'ils sont déjà pas mal éloignés. Et je me suis dit que c'était vrai, que j'avais pas envie que... Enfin, j'avais envie qu'ils puissent quand même avoir une petite relation frère et sœur. Là, je sais qu'ils adorent s'occuper de leurs petits cousins, petites cousines qui ont 1 an, 2 ans. Et donc là, je pense que ça peut encore leur faire plaisir d'avoir un petit frère, une petite sœur. Après... dit si on attend trop, que Maxence a 11 ans, 12 ans, je suis pas sûre que ça l'intéresse du tout. Donc il y avait un peu ça aussi qui jouait, quoi. Et du coup, toi, t'as pas vraiment senti la fameuse horloge biologique, t'as pas fait d'enfant par peur que après ce soit, entre guillemets, trop tard? Ouais, non, c'était pas l'horloge, surtout que, enfin, a priori, Nico en veut vraiment un seul. Donc je pouvais attendre encore un peu, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'en fait ça dépend vachement des femmes, paraît-il, on n'en sait rien, qui peuvent avoir des enfants jusqu'à 35 ou 40 ans et ça y marchera, et d'autres non, donc voilà, donc moi je sais pas. Mais non, en l'occurrence c'était pas vraiment l'horloge, c'était plus que les enfants soient assez proches, et puis ce côté faisons-le. Le seul déclic que je peux avoir, mais franchement il y a un côté horrible à dire ça, c'est celui où comme je te dis, où je réalise que je suis pas vraiment dans un process évolutif, mais plutôt dans une stagnation qui fait que quand je me projette dans 3 ans ou 4 ans, je me dis pas « Oui, je crois que dans 3 ans ou 4 ans, toutes les conditions seront réunies pour que je me sente vraiment prête. » C'est-à-dire que bah, là, j'ai investi dans ma boîte, donc l'idée, c'est que j'y reste. J'hésitais vachement, donc j'ai pris une décision, je me suis dit bah, « je vais tirer le plus possible de cette situation, mais je m'y engage, quoi. Donc, projection dans le travail, ben, pas de grosse évolution, quoi. Après, j'ai acheté un appart, donc projection géographique, pas d'évolution. Enfin, quoi? Qu'est-ce qui va évoluer dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, qui va faire que je vais me sentir 100 fois mieux et 100 fois plus prête? Donc, il y a un moment, c'est peut-être juste ça le déclic que j'ai eu, c'est... Il n'y a pas Claire de Claire de, dans 2 ans qui est genre au top de sa carrière, qui a écrit un livre et qui organise des cercles de réflexion philosophique, quoi. Enfin, il y aura peut-être un jour, mais clairement, je ne vais pas attendre d'avoir atteint cet objectif qui n'existe pas, enfin, qui est totalement fantasmé pour avoir un enfant, quoi, parce que là, ça ne va pas le faire. Du coup, dernière question. L'amour dans 10 ans, tu le vois comment? Dans 10 ans, donc j'aurai 40 ans, donc mon bébé aura 10 ans. Oh purée. Dans 10 ans, l'amour. Oh là là, je sais pas. Parce que là, quand tu mets ça, je vois une table avec plein de copains et de copines, etc. Mais c'est pas vraiment la réponse à l'amour. Je pense que ça aura pas tellement évolué, si ce n'est que. Bah, comme je disais, franchement, je peux imaginer qu'à un moment, on ait pu avoir une aventure ailleurs, pourquoi pas. Mais que, voilà, mais que notre couple et notre famille restent un peu le cocon central. Et qu'autour de ça gravite, en fait, tout le reste de notre vie, quoi. Que ce soit un peu le point central. C'est pour ça aussi que je passe des grandes tablées avec des amis. Parce que le cœur, enfin la relation que j'ai avec lui, je sais pas trop si elle va énormément évoluer. encore qu'on se surprend tout le temps, mais ça, c'est vu qu'on se surprend tout le temps, ça changera rien. J'espère qu'on se surprendra encore. Ça se trouve, on va détester avoir un enfant ensemble, on va se disputer, ça sera horrible. Non, mais j'espère pas, sinon je ferais pas ça. Mais oui, ce cocon central, et après, avoir une vie épanouie à l'extérieur aussi. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais je trouve que c'est un des trucs les plus durs en couple, c'est de garder sa vie, son... On a parlé des compromis, et donc de l'inverse des compromis, quoi, de garder aussi sa ligne directrice un peu, et les choses qu'on aime, etc. Je trouve ça, c'est dur, et c'est d'autant plus dur quand les choses vont bien, où on fait les compromis sans y penser, et parfois on sait plus ce que nous, on aime. Quel film on irait voir si on n'allait pas avec lui, ou parce qu'on a des routines. Donc, dans 10 ans, j'espère qu'on aura à la fois toujours cette vie de couple et une vie à l'extérieur aussi, quoi. Merci Claire. Merci. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime.